Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui chez Hello Oxfam pour notre émission tant attendue. Aujourd'hui, de quoi allons-nous vous parler, Jean-Paul ? Bonjour Yoni, ça va bien chez toi ? Ça va très bien, merci, et chez toi ? Ben oui, toujours bien, content de te retrouver là pour notre troisième émission au moins ? Oui, c'est ça. C'est un plaisir pour moi aussi. Partagé, bon... on a une activité un peu chargée ce mois-ci chez au groupe local Oxfam. Mais peut-être, comment tu vois les choses, Yoni, à cette heure-ci ? En ce moment, comme tu l'as dit, le mois il est chargé. On aura plein d'actions et il y a aussi eu des événements, le marché du monde solidaire. Oui, on peut commencer par le marché du monde solidaire qui a eu lieu ce week-end dernier, 18-19 novembre. Mais au préalable, on était mobilisés la veille, donc le vendredi 17. Avec une formidable conférence gesticulée qui a eu lieu à la MJC Nomade à Vendeuvre à 20h30. Et on s'est fait un tout petit peu peur pour remplir une salle, mais somme toute, la jauge était tout à fait correcte. Et les gens qui étaient présents ont passé un super moment avec une compagnie belge qui s'appelle 1984, un clin d'œil à l'ouvrage de George Orwell. George Orwell. Et donc Jacques et Martine, ce sont cette compagnie, somme toute restreinte, de personnes qui sont venues à Vendeuvre. Et la conférence s'appelle Fin de vie, mais attention, fin, F-A-I-M. Ok. Et en fait, c'est une conférence sur... sur l'alimentation, sur la crise alimentaire, mais l'assistance alimentaire, ce que l'on peut trouver ici en France, au Resto du Cœur. Et cette conférence d'une heure, en fait, nous apprend des tas de choses, des représentations que l'on a faussées, qu'on est très faussées sur cette réalité. Et franchement, c'était excellent, excellent. Tout le monde, il y a un petit débat après, et très riche d'enseignements. Tout le monde était très content. D'accord, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Ça, c'était vendredi. Oui. Et puis donc, le week-end, on avait notre stand au Marché du Monde. On y est, Yoni, depuis 2006, je faisais le compte. Fidèle, le troisième week-end de novembre. Et... Très rapidement, de quoi s'agit-il, le Marché du Monde solidaire, pour ceux qui ne savent pas ? Donc, ce sont les acteurs de la solidarité internationale qui se retrouvent... dans ce grand hall du conseil départemental à Nancy, sur un week-end entier, avec des conférences, des animations, des tables rondes dans les salons qui sont tout à côté. Oui. Et donc, il y a à peu près 80 associations de solidarité du Grand Est, en fait, hein, qui viennent aussi bien des Vosges, de la Meuse et du département, bien sûr. Et c'est l'occasion aussi pour les associations... De vendre quelques objets venant d'Afrique. Je pense à une association qui travaille par exemple au Burkina Faso ou en Mauritanie, qui sont là-bas pour, je pense à par exemple une oasis, une école, elle porte bien son nom, cette association du Toulois. Eh bien, la présidente Rolande vend ses petits objets et les gens qui passent anticipent un peu leurs achats par rapport à Noël. Oui. Ce qui fait que c'est excellent. Il y a un public très varié. Et pour nous autres, Oxfam, et quelques autres comme Amnesty, comme CCFD ou Le Mans, on n'a pas grand-chose à vendre, si ce n'est qu'on parle de nos actions, de plaidoyer. On fait de l'information citoyenne. Donc c'est un mixte de stands qui va bien pour un public qui s'étoffe d'année en année. Super ça, et j'espère que vous avez eu plein de gens qui sont venus vous voir et demander conseils et ont appris des choses sur Oxfam, ou alors des habitués bien sûr. Et dans l'avenir alors Jean-Paul, dans ce mois-ci ou alors en décembre, très rapidement peut-être ce qui se passera avec Oxfam ? Écoute... Oui, pour te répondre, on a toujours d'excellents contacts sur ce marché du monde avec des gens qui nous laissent leur adresse mail, qui ont envie d'en savoir plus sur ce que l'on fait ici à Nancy. Et pour la suite, oui, actualité chargée, parce que ce week-end, samedi 25 novembre, nous autres correspondants Oxfam, enfin, gens du groupe local, nous allons être formés à la fresque des inégalités. En quoi ça consiste? Mais c'est un peu basé sur la fresque du climat, qui commence à être très connue partout en France, qui est une façon ludique, mais aussi très sérieuse, d'aller chercher tous dans nos plus profondes de nos référentiels, de nos pensées, d'où proviennent, dans ce cas, les inégalités. Et chez Oxfam est dépositaire, entre guillemets, de cette fresque. Et il y a un jeu de cartes assez important qui a été imprimé. Et c'est déjà une base de réflexion, une base d'idées, mais les gens vont encore plus loin. Et après, on liste et on fait des cartographies. On essaie de voir d'où proviennent ces inégalités, soit historiques, du global au local. Et en face, évidemment, on essaye de voir comment on peut contrarier ces inégalités croissantes. Voilà. D'accord. Mais j'ai appris qu'il y avait beaucoup de fresques en ce moment. J'ai appris qu'il y avait une fresque aussi sur l'alimentation. Un peu, voilà, la fresque du climat a donné quelques idées à d'autres ONG ou d'autres gens spécialisés dans une thématique pour discuter, pour voir où sont les... Où peuvent se passer les solutions, en fait, si on peut dire. Je vois. Nous avons aussi un peu d'actualité avec Black Friday qui approche. Oui, exactement, puisqu'on est à 2 jours du Black Friday. Eh oui. Et on était mobilisés, Yonis, sur notre dernière émission déjà, où tu avais... Non, j'avais parlé de la Fashion Week, si je me souviens bien, et de l'impact écologique. C'est juste, mais ça rejoint tellement que... Ça rejoint beaucoup, c'est vrai. Il s'agit toujours de la fringue, des dépenses que l'on veut provoquer avec ce Black Friday. Eh bien, pas tellement, Jean-Paul, parce que c'est aussi l'idée de la consommation en général et ça concerne de plus en plus, en fait, les nouvelles technologies plutôt que les habits. Alors, je voulais vraiment beaucoup vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que beaucoup de mes amis, par exemple, vont faire des achats, etc., durant le Black Friday. Alors, je voulais un peu plonger dans les origines de cette tradition qui s'est répandue à travers le monde, mais aussi jeter un regard un peu critique sur les aspects souvent négligés de cette frénésie consumériste, en particulier son impact sur l'environnement et les conditions humaines. Le Black Friday, il a ses origines aux États-Unis et marque le début de la saison des achats de fin d'année. Donc en fait, le Black Friday vient juste après le Thanksgiving, donc le troisième jeudi du mois de novembre, et le lendemain, c'est le Black Friday. À la base, c'est biblique. Est-ce que tu peux nous dire de combien d'années ou dizaines d'années ça remonte, ce Black Friday? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'il est arrivé en Europe plus au début des années 2000. Ah, ok. Mmh. Mais aux États-Unis, c'était encore avant. Okay. Mais en fait, tout vient du décès de Jésus, parce que le Black Friday, c'était, si je me souviens bien, le jour le vendredi. Vendredi Saint, bon, c'est le jour de la semaine, voilà. Voilà. Et le jeudi, juste avant, il y a le Thanksgiving, donc rendre grâce et tout pour... Ah, ok. Et donc voilà, encore une fête qui a été commercialisée. Parlons d'abord de l'impact écologique. Donc la surconsommation associée au Black Friday génère une production massive d'articles, souvent fabriqués à partir de ressources non renouvelables. Cette production intensifie la déforestation, épuise les réserves d'eau et augmente la quantité de déchets. Il y a aussi beaucoup d'emballages excessifs parce que du coup, faut emballer toutes les marchandises. Les transports et l'énergie nécessaires à la fabrication contribuent tous à une empreinte carbone qui est alarmante. Alors, selon toi, y a quelle augmentation par rapport à une semaine normale, la semaine du Black Friday? Ah oui, intéressant ça. Ça doit peut-être tripler le volume de chiffre d'affaires, par exemple? Alors, c'est un peu moins que ça parce qu'il va doubler, c'est 94% d'augmentation, donc okay. Presque deux fois plus. On estime qu'environ 1,2 million de tonnes de CO2 sont émises en rayon du transport de marchandises. Cela représente donc une augmentation de 94% par rapport à une semaine normale. Selon Green Alliance, jusqu'à 80% des articles achetés lors du Black Friday, y compris les emballages dans lesquels ils sont livrés, sont jetés après quelques utilisations, parfois sans avoir jamais été utilisés. Ce qui est donc alarmant parce que en fait, tu achètes seulement sous un coup de pression de tendance et tu ne vas jamais utiliser. Aux États-Unis, les déchets augmentent de 25% entre le Black Friday et le Nouvel An. Et bien que la majorité des déchets préviennent des emballages, une partie est due à des articles non utilisés, achetés juste pour l'attrait d'une bonne affaire. Voilà. J'ai encore un petit point sur la dimension humaine de cette frénésie d'achat. Alors, les travailleurs de l'industrie du commerce sont souvent contraints à des heures supplémentaires dues au Black Friday, mais aussi à des conditions de travail précaires et des salaires insuffisants. La pression pour répondre à la demande, selon la loi de l'offre et de la demande, augmente particulièrement au Black Friday et peut entraîner des violations des droits du travail et des conditions déplorables pour ceux qui sont à la base de la production. Les ventes peuvent aussi entraîner une surcharge de travail et une sous-rémunération du personnel. Plus de 1000 travailleurs d'Amazon dans un entrepôt à Coventry ont fait grève ce mois-ci en raison d'un différend sur les salaires et les conditions de travail, avec d'autres grèves prévues pour le Black Friday aussi. Donc, juste en tant que consommateur, il faut qu'on soit conscient que si une marque fixe des prix beaucoup trop bas, comme Temu, Boohoo, alors il faut faire confiance à notre instinct et se dire que ce n'est pas normal et faire quelques recherches avant d'acheter. Alors, pour conclure, que pouvons-nous faire en tant que consommateurs responsables pour atténuer ces impacts négatifs ? Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, il faut reprendre nos habitudes d'achat, optant par exemple pour du fait main, comme l'a mentionné Jean-Paul, par exemple, lors du marché solidaire, par exemple, ou alors les friperies, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et encourager plutôt les entreprises qui adoptent des pratiques éthiques et respectueuses de l'environnement, et ne pas soutenir ce désastre écologique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Yoni. Et bien sûr, acheter dans un rayon de 100 km ou 300 km maximum, ça bien c'est sûr. Aussi des... C'est de plus en plus compliqué avec la globalisation, quand on peut avoir des articles qui viennent de très loin pour moins cher que des articles qui viennent... Et puis ce qui me révulse vraiment, c'est l'achat compulsif. Quoi. On avait fait venir une pièce de théâtre aussi, il y a quelques temps, qui s'appelait « Comment on freine ?». Et c'était la fameuse petite robe rouge que le mari, le fiancé amoureux veut acheter à sa chérie. Et ben c'est vrai qu'on est humain et on a envie d'acheter, mais franchement, les achats compulsifs, autant s'en méfier. Vraiment. Et puis j'ai cette image des gens qui se roulent sous les volets roulants, qui ouvrent à peine pour aller chercher les premières télés qui sont à des prix cassés. Et ça me fait penser aussi à ce film qui vient de sortir, mais il n'est plus à l'affiche maintenant, qui s'appelait Une année difficile. Yoni, si tu ne l'as pas vu, il faut le revoir, parce que franchement, il nous met bien en tête les excès de ce système. Et là, le film aussi part sur une romance tout à fait intéressante, mais on va en parler tout à l'heure avec ce que l'on va faire avec nos amis de Greenpeace, par exemple. Bien sûr. Et je te propose entre-temps une petite pause musicale. Ça ferait pas de mal. Okay. D'accord. Qu'est-ce qu'on joue d'abord ? De l'africain ou du européen ? Allez, commençons par l'africain avec Iken Jaffa Koli, le balayeur. C'est parti. La déception de mon peuple arrivée zéro. Je l'avais pourtant prévenu de la déception de mon peu. Bye bye. Hello Oxfam, sur Fadjet, avec le groupe local Oxfam Nancy. On se retrouve après avoir écouté Tikenja Fakoli et sa chanson Le Balayeur. Nous venons justement d'aborder le Black Friday, ses conséquences, toute cette frénésie, un peu aussi l'agenda de Oxfam Nancy. Et nous allons continuer. Jean-Paul, je suis curieux pour le reste de l'émission. Qu'est-ce que tu nous as prévu? Et ben justement, cette actualité qui continue avec ce Black Friday après-demain, vendredi. Où nous allons donner un coup de main à nos amis de Greenpeace. Tu sais qu'à Greenpeace, on a fait quelque chose de formidable il y a déjà quelques temps. C'était cette fameuse pétition qui a battu des records. Sur une proposition de loi, si je ne me trompe pas, c'était par rapport à ça. C'était pour mettre la pression au gouvernement français. Ah oui, d'accord. Oui, je m'en souviens. Qui s'appelait notre affaire du siècle. Oui, l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, qui avait trois ONG, Greenpeace, Oxfam, et puis une ONG plus petite qui s'appelle Notre Affaire à Tous. Voilà. Et en 48 heures, il y a eu un nombre formidable de signatures, du jamais vu à cette échelle. Et cette pression sur le gouvernement français, ça avance. Et en lisant, en écoutant les médias, l'actualité, on voit qu'on n'est pas au bout de cette affaire. Et le gouvernement français commence à envoyer des signaux, maladroits encore. Mais bon, c'est sous cette manière-là qu'on pourra espérer que les choses changent, en tout cas. Et donc, nous, localement, avec le groupe local Greenpeace, on va faire une petite animation qui est prévue place Charles III, autour de 18h ce vendredi 24 novembre. Mm-hmm. Et également, il y aura avec nous les gens de la section jeunes d'Amnesty International. D'accord. Et j'ai appris par ailleurs aussi que les gens d'Attaque faisaient quelque chose aussi en ville. Justement, tu parlais d'Amazon tout à l'heure pour aussi mettre la pression sur Amazon. Oui. France, qui pourrait avoir des comportements beaucoup plus en ligne avec nos autres consommateurs français, parce que de toute façon, on n'est pas obligé de copier les Américains, que je sache. Mm-hmm. Donc... voilà, ça fait plaisir de se retrouver à plusieurs pour faire pression. Et puis aussi pour démontrer que cet excès, cette gabegie, cette chose incroyable qui continue à avancer en France, il faudrait aider à la réflexion, mettre de la réflexion là-dessous. Bien sûr. Et tu m'avais dit que tu allais aussi aborder le Gaza, thème du Gaza. Oui, l'actualité de la Confédération des Oxfam, parce que... Effectivement, nos amis de Paris se sont mobilisés au pied de la Tour Eiffel pour un cessez-le-feu, quelque chose qui est quasiment la chose première, essentielle, immédiate qu'il fallait faire déjà il y a 15 jours en arrière. Et là où j'ai envie de poser mon couplet sur pourquoi j'ai adhéré à Oxfam, en fait, de temps en temps, j'essaie de placer un message. Tu te reposes la question, oui. En fait, cette histoire de faire un pas de côté, de sortir de ce débat franco-français, parce que je ne sais pas si tu as écouté les médias récemment, mais à Londres, il y avait 300 000 personnes dans la rue. Et à Paris, 30 000. Ce qui montre qu'ils sont beaucoup plus là-bas investis. Mais c'est la grande différence entre la Grande-Bretagne et la France. Ce sont deux démocraties les plus anciennes du monde, pour moi. Bon. Mais qui sont quand même différentes, oui. Mais qui sont très différentes. Et je vais aussi parler, par exemple, d'un ami qui m'avait dit, tu sais combien y a-t-il d'adhérents à ce qui correspond à la LPO en Grande-Bretagne. La LPO, c'est les protections des oiseaux en France, avec M. Bougrain-Dubourg. En Grande-Bretagne, c'est 100 fois plus quoi, d'adhérents. Ah oui. Donc, il y a toujours cet écart qui surprend. Le milieu associatif là-bas est très valorisé, je trouve. Oui, sauf qu'en France, on est les champions de cette loi de 1901 sur la laïcité, que tout le monde nous envie, que les Anglais n'ont pas. Donc ça me passionne, cette histoire de différence culturelle. Et en tout cas, on doit toujours regarder un peu en dehors des médias et de ce qui se passe en France. Moi, ça me va bien d'aller voir ailleurs. Et du coup, cette action de Oxfam au pied de la tour Eiffel concernant le conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il y a eu du coup des retours positifs ou des choses comme ça ? Ben en tout cas, on a vu qu'il y a eu aussi d'autres manifestations dans le monde sur un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, pour la France, on a vu des manifestations qui étaient soit pour le respect le peuple juif qui oui. légitimement a été attaqué, et d'autres manifestations où c'était plus fléché vers la Palestine. Pour les Palestiniens. Et ça, c'est pas bon, parce que à chaque fois, c'est des blocs qui sont côte à côte. Et chez Oxfam, c'est plus un cessez-le-feu plutôt que de prendre un parti, du coup. Voilà, Oxfam, c'est peut-être un peu facile de vouloir toujours être au-dessus de la mêlée et de pas choisir son camp. Mais en tout cas, Oxfam est très vigilant et... Il y a une histoire Oxfam avec la Palestine qui remonte à quelques dizaines d'années en arrière, où des sacs de ciment, je me rappelle, étaient estampillés Oxfam. C'était le seul moyen de restaurer les piscicultures à Gaza, avec du sable et du ciment. Les Israéliens ne voulaient pas faire rentrer ces matériaux parce qu'ils craignaient que ce soit des matériaux pour renforcer les tunnels. Or, grâce à Oxfam, en fléchant vraiment à quoi étaient destinés ces matériaux, les Gazaouis ont pu restaurer leur pisciculture qui était percée, qui ne retenait pas l'eau. Et ils donnaient à manger à leurs enfants. Avec le poisson, oui. Ouais. Donc, Oxfam a toujours des approches très fines dans tout ça. De plaidoyer, finalement. Mais aussi de trouver des solutions concrètes pour les populations qui sont en pleine souffrance. Bien sûr. Et derrière, toujours contre la faim, parce que Oxfam, c'est le FAM, c'est famine. Ok. Voilà. Et pour le Black Friday d'après-demain, je pense que c'est appelé à se renouveler avec d'autres amis, d'autres ONG sur Nancy. À plusieurs, on est plus fort. Et les amis d'Attaque aussi sont invités à communiquer à ce micro une prochaine fois, c'est prévu. Tout autant que les gens de Mouvement pour une alternative non violente qui sont des gens avec qui on se sent très proche au niveau du groupe local. D'accord. Merci beaucoup du coup pour cette approche d'Oxfam et l'actualité donc de ce que nous faisons. Avant de peut-être faire une conclusion, est-ce qu'on se passerait pas une petite dernière musique ? Ce serait toujours Coldplay avec BTS, My Universe. I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 얘 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. On se rapproche de plus en plus de la fin de cette émission et c'est bientôt le moment de se dire au revoir. Jean-Paul, c'était un plaisir d'être aujourd'hui ici avec toi. Mais à chaque fois, Yoni, ça marche. Et nous avons pu aborder des thèmes intéressants que j'espère ont pu en impacter un certain nombre d'entre vous. Sachez que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Oxfam Nancy. La page Facebook. La page Facebook, pardon, si vous avez des questions. La prochaine fois, on va se retrouver pour une émission axée sur le féminisme avec des représentantes de l'association Nous Toutes. Oui, c'est ça, la représentante de Nous Toutes à Nancy. À Nancy, exactement. Un interview au téléphone, par exemple. Mmh. Oui. En tout cas, on a hâte. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonne, joyeuse fête.